la fuite en avant des phrases, c'est la dépense vaine, probablement, dans beaucoup de cas. C'est l'effort pour vainement se débarrasser du langage qu'on déploie infiniment. C'est pathétique. C'est une situation absolument pathétique, mais qui est émouvante aussi. On voit ça parfois l'apparition du bavard, la dépense inlassable d'un homme politique inconscient d'être un histrion, vraiment inconscient d'être une marionnette, et qui se suppose souverain. On voit ça dans différentes situations, et on n'est jamais sûr de ne pas être dans cette situation. Bon, mais tant mieux, aussi, c'est ce qui peut nous rendre émouvants, et c'est ce qui peut créer une rencontre. C'est terrible en même temps, c'est une situation objectivement terrible. Et tout ce qu'on a désigné du terme de l'incommunicabilité, etc., etc., c'est toujours, suppose toujours la crainte que rien ne soit dit, qu'on ne dise rien à l'autre, qu'on soit déjà dans l'anéantissement du langage. En réalité, nous avons besoin constamment des mots. Je cite souvent cette phrase de Benjamin, que le langage est la seule perfection qui nous a été donnée, tout au contraire de ce qui est le plus souvent et absurdement déclaré, que le langage serait imparfait, etc., etc. Mais bon, le fait est que cette dépense infinie du bavardage, ce bavardage universel, il est pathétique, c'est-à-dire qu'il est émouvant.